donner la boule de cristal. Elle est ultra performante. Elle lie votre avenir, celle de vos enfants et même celle de vos grands-parents. Et oui, tout ça en même temps.